Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional. On va commencer avec le bulletin, avec une nouvelle quand même qui n'est pas nécessairement plaisante. C'est que les Castors de Dolbeau-Midget 2B, qui est une véritable institution à Dolbeau-Mistassini, ben, ne sont pas assurés à 100% de débuter l'année. En entrevue sur les ondes de danradiosport.com hier, Danny Avoy mentionné que ce n'était pas nécessairement le premier scénario à envisager, mais qu'il ne faut pas écarter non plus la situation. Il y a actuellement 28 joueurs actuellement au camp des Castors de Dolbeau, et Danny Avoy explique la problématique. Le Midget, c'est qu'il y a eu beaucoup de départs de vétérans. Il y a des gens des années 2000-2001 qui montent tout le temps Midget. On a tout le temps eu une cohorte qui était moins nombreuse au niveau des inscriptions. Fait que là, on la vit cette année. On est dedans, là. On a même pas 30 jeunes encore au niveau Midget pour être inscrits. Si on regarde les règlements de Hockey Québec, normalement, à partir de 30 jeunes, tu peux commencer à faire une équipe double. On peut le faire en bas de ça aussi, mais on va s'assurer qu'on a des jeunes qui sont capables de faire ce calibre-là. Il n'est pas dans nos intentions pour l'instant de dire hey, on ne fait pas de mise à deux, ça n'aurait pas de bon sens. On sait que les Castors, c'est une institution. Mais malgré tout, il faut qu'on s'assure que les jeunes vont être dans le bon cas. Et les dirigeants font face à un autre problème, c'est qu'ils n'ont pas l'entraîneur à 2 semaines du début du camp d'entraînement, donc c'est jusqu'au 11 septembre. Jusqu'à maintenant, c'est le hockey mineur qui se charge du camp d'entraînement, également les autres entraîneurs des autres formations également. Qui a essayé de nommer un entraîneur pour le midget double lettre. On est encore en train de parler avec des candidats, mais je te dirais que c'est difficile pas mal. On a des plans B, on a des plans C, mais ça va. Fait que là, pour le début des camps, il n'y a toujours pas d'entraîneur qui est installé. Fait que c'est le staff du hockey mineur qui le fait, responsable des entraîneurs, les responsables de catégories sont là. On a d'autres entraîneurs des autres catégories qui participent à l'élaboration de ces camps-là aussi pour s'assurer que nos jeunes sont là. Fait que c'est ça notre difficulté actuellement. On est en... Donc, on zone environ jusqu'au 11 septembre avant de prendre une décision finale, ce qui a trait au castor, au sort des castors. Il manque environ 2 à 3 joueurs pour confirmer l'équipe pour la saison prochaine. Maintenant, puisqu'il est question du hockey mineur, on a annoncé hier que durant l'Assemblée générale qui a eu lieu la semaine dernière, un profit de 27 000 $ sur un budget de 60 000 $ Profit évidemment qui s'explique en raison de la présence de nombreux tournois. Par ailleurs, suite au succès du match au concours à Robertval entre les Saguenay de Chicoutimi et les Cataractes de Shawinigan, un budget où on a dégagé un profit de plus de 6 000 $ pour le hockey mineur de Robertval, Danny Lavoie a expliqué qu'effectivement qu'il était très intéressé à organiser un match hors concours des Saguenay l'an prochain à Dolbeau-Mistassini et qu'il attend même contacter l'organisation des Saguenay afin de regarder un peu plus cette possibilité. Belle nouvelle maintenant au football pour Philippe Lavoie de Saint-Jean-d'Arc. Philippe Lavoie qui a été nommé sur l'équipe canadienne de football qui va représenter le Canada lors de l'International Bowl qui a lieu entre autres contre les États-Unis. En plus, Philippe Lavoie a été sélectionné sur l'équipe d'étoiles canadienne de football. Donc c'est une belle honneur pour un athlète qu'on n'a pas fini d'entendre parler. Il est de Saint-Jean-d'Arc. On a parlé également hier dans la section entrevue de danradiosport.com de Pierre-Alexandre Bédard. Pierre-Alexandre Bédard qui a réussi son meilleur résultat à vie la semaine dernière. Il a réussi le 9e rang lors d'un tournoi professionnel qui a lieu à Saint-Georges-de-Beauce. Et Pierre-Alexandre Bédard est évidemment très, très content de sa prestation. Ça a vraiment bien été. Écoute, je suis vraiment content de ce que j'ai accompli. C'est la meilleure performance de ma carrière, en fait, là, sur un tournoi de 4 rondes. Moins 18, il y avait vraiment en plus un très très bon field. Plusieurs bons joueurs là, d'extérieur de la province. Puis je suis vraiment content de ce que j'ai fait. Puis ça me motive en fait à continuer et à travailler fort les prochaines semaines, prochains mois pour le reste de mon année. Et il nous parle un peu des conditions. Ça veut dire que c'est un terrain qui était un petit peu plus court que les autres. C'est un terrain qui est. Je sais pas si faut que ça en fait là. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait vraiment des bons joueurs. Puis les conditions de parcours étaient relativement faciles. En fait, là, en fond, les roches étaient assez longs, mais les greens étaient très bien. On pouvait attaquer le drapeau quand même assez agressivement. Puis il n'y avait aucun vent, en fait. Soleil quand même, pas de bouche. Puis les conditions parfaites pour scorer, en fait. Okay. C'est pour ça que les joueurs. Et bien, Alexandre Bédard s'est qualifié également pour le tournoi des Bermudes et il nous parle de cette compétition. Fin? Ouais, j'ai en fait un tournoi pour les professionnels. Okay. Du Canada, de la CPGA. On doit avoir un pro classe A, dans le fond que les cartes, là, dans le fond, ça fait au moins 5-6 ans qu'il est professionnel dans une boutique qui donne des tours. Puis un professionnel joueur, comme moi qui viens de rentrer pro depuis 2 semaines maintenant. Donc on s'est qualifié hier, on a joué au moins 7 en équipe. C'est une formule sur 3 jours aux Bermudes. En fait, la première journée, c'est meilleur trou les deux. Deuxième journée, c'est coup alternatif. Puis troisième journée, c'est meilleure balle. OK. Et bonne nouvelle pour les élites de Jonquière. Marc Antoine Gagné, qui a été retranché du camp d'entraînement des Saguenay de Chicoutimi, va revenir pour une dernière année avec les élites de Jonquière. Les élites qui vont disputer qui vont commencer leur saison samedi en recevant la visite de Gatineau au Palais des Sports du secteur de Jonquière. J'invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Évidemment, on a parlé avec Danny Lavoie des Castors, de la situation des Castors de Dolbeau. Danny Lavoie, qui est le président du hockey mineur de l'endroit. Vous pouvez également écouter René Cadieu du site internet game-focus.com, où il donne un peu son appréciation du jeu vidéo Madden 2017. Sport local et régional, à DanRadioSport.com. La référence du sport, on s'en occupe.